Vous écoutez France Culture. Le Salon Noir. Peuvent nous apprendre les hommes préhistoriques? D'ailleurs, pour cela, que nous ont-ils laissé? Et surtout, qu'en comprennent les archéologues? Probablement pas grand-chose à la lumière de milliers et fastidieux articles de catalogue. Parce qu'il fut tout d'abord médecin, on aurait pu penser qu'il allait soigner les hommes. Parce qu'il est surtout archéologue, il pense les préhistoriques, peut-être les préhistoriens. Éric Boïda, bonjour. Bonjour. Professeur à l'Université de Paris 10, membre de l'Institut universitaire de France, votre approche très originale a profondément chahuté le microcosme préhistorique français et par là même, je l'espère, renouvelé notre vision des sociétés anciennes. Vous représentez donc désormais, et à vous seul, un incontournable courant de recherche. De vos terrains, je sais que l'on vous a vu de la Dordogne à la Syrie, de la Chine à l'Amérique. Aujourd'hui, dans le Salon Noir de France Culture. Éric Boïda, qu'est-ce que l'homme préhistorique a bien voulu nous faire parvenir, nous laisser? Je pense que ce n'était pas du tout dans la préoccupation de l'homme préhistorique et qu'il n'a rien voulu nous laisser. Si, c'est poubelle, voyons. Bien sûr, mais veut-on laisser des poubelles à nos générations futures? Actuellement, c'est effectivement une thématique importante pour nous. Mais à l'époque, effectivement, on ne perçoit que leurs poubelles. S'ils ont voulu nous laisser des témoignages sur un temps aussi long, je veux dire, en sachant effectivement que 2 millions d'années plus tard ou 1 million d'années plus tard, nous allions effectivement les voir. Ça, je ne pense pas. Je ne pense pas. Alors, est-ce que l'on serait sur une sorte d'univers pauvre? Oui, oui, oui. On est pauvre, mais moi, j'utiliserais un autre terme. Je dirais qu'on est orphelin. Orphelin parce que ce qui nous parvient de ces cultures, de ces hommes et de ces femmes, c'est pratiquement rien. D'abord, ce n'est que la matérialité des choses, ce sont des objets. Donc tout ce qui relève de la pensée symbolique a priori complètement disparu. Bon, effectivement, on parle souvent des sépultures ou des peintures rupestres, mais les témoignages artistiques ou symboliques peuvent prendre d'autres aspects, utiliser d'autres supports qui ne nous parviennent pas. Donc en fin de compte, on est pauvre de vestiges, on est pauvre d'informations et on est pauvre de documents. Et je dirais, comme on est bavard, on essaye de faire parler ce que l'on a. Et souvent, on parle un peu trop de ce que l'on a. Des objets orphelins. Oui, des objets orphelins. Orphelins parce que nous n'avons que les matières minérales dans le meilleur des cas. Là, je parle du temps long, c'est-à-dire d'une préhistoire qui commence il y a 2,6 millions jusqu'à... jusqu'au début de l'Holocène, c'est-à-dire vers 8 000, 9 000, 6 000 ans. Et il est vrai que seules les matières minérales sont perceptibles sur ce temps très très long. Mais évidemment, il y a eu l'utilisation de peau, de bois, d'os, c'est sûr, c'est évident. Mais tout ça, on ne le voit pas directement. On peut le voir de façon indirecte en utilisant certaines méthodes. Mais on est orphelin de la quasi-totalité de leur production matérielle. Alors, bien sûr, vous allez nous parler de silex, c'est pour cause. Hein. Mais il y a eu d'autres matériaux, vous le disiez, qui ont totalement disparu. Toutefois, je voudrais évoquer cette fameuse découverte, le bitume utilisé par Néandertal en Syrie, sur un site bien particulier. Ah oui, tout à fait. C'était à Oumetlel, il y a une vingtaine d'années. Je me souviens très, très bien, puisque ça nous avait laissé complètement circonspect. D'habitude, l'utilisation du bitume était attribué à une période plus récente, vers 8-9 000 ans. Et nous étions dans des couches à 40 000, 50 000 et certaines jusqu'à 60-70 000. Et on avait trouvé du bitume naturel sur une partie de ces objets. Et c'était très intéressant parce que jusqu'à une vingtaine d'années, on considérait que tous les objets étaient utilisés à main. Voilà, c'est-à-dire qu'on les imagine un peu frustres. Donc, ils taillaient des silex, ils utilisaient la main. Et là, on avait l'image d'un manchement. C'est-à-dire qu'actuellement, on n'aurait pas l'idée d'utiliser un couteau sans manche. Et c'est vrai qu'en préhistoire, on a plutôt le couteau, on n'a pas le manche. Et là, le manche nous était donné à voir. Et on a on a compris que peut-être notre vision des choses était toujours réductrice et était toujours liée à ce que l'on voyait et qu'on n'avait pas d'outils inductifs qui étaient capables de nous montrer l'invisible. Alors bien sûr, on peut penser que le bitume provient de HIT, une sorte d'extraordinaire nappe de pétrole qui a explosé à la surface du sol. C'est un très très beau site, j'y suis passé il y a une trentaine d'années. Où en est aujourd'hui Oumeltlel Depuis 2010, évidemment, les événements dramatiques qui ont lieu dans la région nous empêchent d'y travailler encore. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour tous les conservateurs et tous les ouvriers qui travaillaient avec nous depuis pendant 20 ans. Nous n'avons pas de nouvelles. Les dernières nouvelles que nous avons datent de 6 mois. Disons que je préfère penser aux hommes plutôt qu'à notre site. Voilà. Et désormais, vous êtes en Irak. Voilà. On travaille dans le Kurdistan irakien. Oui. En tout cas, la pierre taillée est le témoin exclusif de l'histoire de l'homme depuis l'origine et a donc pour vous une place centrale dans la compréhension de cet homme. Oui, parce que c'est un fil. C'est le seul fil que l'on a qui traverse le temps et les espaces. Donc c'est pour ça. Souvent, on a tendance à oublier qu'il y a autre chose. Mais c'est celui qui est unique, unique. Dans la plupart des cas, il nous reste que celui-ci. Alors, il faut chaque fois, en travaillant sur ce matériau, avoir à l'idée que ce matériau a servi à fabriquer d'autres objets. Donc, c'est une espèce de dialectique permanente que l'on doit avoir. Mais c'est un matériau merveilleux, la matière minérale. Alors, souvent, on parle silex, mais il y a aussi la quartzite, il y a le quartz, il y a l'obsidienne, disons que l'homme a touché à tout. Alors, au départ, était bien sûr le bloc de pierre, d'où va naître des outils avec son vocabulaire qui risque de revenir, bien sûr, dans l'émission. Le nucléus, éclat, lame, biface, feuille de laurier, tout cela produit à partir d'un bloc, il faut bien le dire. Oui, ça peut paraître... Disons qu'alors, il y a un premier problème, c'est le problème du vocabulaire, vous l'avez évoqué. Et encore, là, vous avez évoqué des mots qui ne sont pas horribles. Parce que je pourrais vous dire burin bec de perroquet, pointe de taillac, limace, carapace de tortue. Alors, cette floraison de termes, en fin de compte, traduit le désarroi. Oui, mais c'est issu du naturalisme, on peut penser ça, non? En fin de compte, quand vous travaillez sur des objets, par exemple néolithiques, qui datent de 9000 10 000 ans, si je vous mets une hache sous les yeux, globalement, vous mettez 30 personnes... autour de cette hache, ils vont tous voir le même objet. Et donc, ils vont le nommer de la même façon. Et ça, c'est intéressant parce que le nom, il est juste, il fait appel à une fonction et un fonctionnement que tout le monde partage. Si je vous mets un biface sous le nez ou un nucléus, une carapace de tortue, comme on appelle, moi que certains appellent, alors là, je crois qu'on a autant d'avis qu'il y a de personnes sur la table. Et donc, chacun va y mettre un nom. Et ça montre la difficulté que l'on a de percevoir effectivement l'objet et ce que recèlent réellement ces objets. Donc la préhistoire serait en partie en désarroi à cause de cela. Oui, bien sûr, parce que il y a deux façons d'appréhender l'histoire. Soit effectivement j'ai un modèle évolutif et donc je pense que l'évolution est comme ça et au fur et à mesure des découvertes je vais placer les choses en fonction de ce modèle, ou on a une vision plus inductive et qui est, je découvre des choses et j'essaye de ranger les choses les unes par rapport aux autres. Et en France, on a toujours été enclin à travailler selon ces deux aspects-là. Alors, sur les périodes plus récentes, on a l'histoire. Toutes les interprétations sur l'élevage, sur l'agriculture. Bon, on n'a pas toutes les données, évidemment, on n'a pas de texte. Mais on arrive à raconter des histoires, et avec une histoire avec un grand H, et qui ne sont pas forcément très loin de la vérité, elles ne sont pas complètes. Mais quand on recule dans le temps, quelle histoire on raconte? Et là, je mets le ton, quelle histoire? Est-ce que c'est vraiment l'histoire avec un grand H? En tout cas, André Leroy-Gourhan a été le grand penseur de la préhistoire de la deuxième moitié du XXe siècle. Sa pensée perdure, son œuvre est incontournable pour les archéologues et surtout pour les préhistoriens. Elle devrait être incontournable parce que Leroy-Gourhan, tous ses textes fondamentaux sur lesquels on continue à travailler, sont issus pratiquement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale et donc juste après. C'était un homme qui était ethnologue, qui était archéologue, qui est aussi linguiste. Et donc, il avait cette polyvalence et il était capable d'aborder un problème sous différentes facettes. Et c'est peut-être ce qui fait défaut à nos recherches actuelles, où on a tendance à être beaucoup plus spécialisé et donc voir l'objet qu'à travers un seul aspect. Laurent Gourhan, il avait cette vision globale. On pourrait citer, il a été l'élève de Mauss aussi, qui était un très grand ethnologue. Et c'était toute cette génération-là où moi, j'aime beaucoup les lire parce qu'en fin de compte, on se rend compte de leur connaissance générale au fait des notes de bas de page. Et souvent, il y a deux livres dans un livre. Il y a le livre tel quel et puis il y a les notes de bas de page qui sont un autre livre où là, on voit toute l'érudition et l'importance de ces penseurs. Alors, bien sûr, il faut citer L'homme et la matière, Milieu et technique, peut-être aussi quelque chose d'introuvable, Archéologie du Pacifique Nord. Oui, pour moi, c'est l'un des ouvrages majeurs. Bon, personnellement, je pense que c'est un ouvrage important parce que dans la pensée de Laurent Gourhan, il y a deux aspects. Il y a un aspect synchronique, et ça a surtout été la deuxième partie de sa carrière, si je puis me permettre, où il a travaillé sur des grands sites de Pincevent. Il a travaillé sur la synchronie. Il a essayé de reconstituer un mode de vie, le mode de vie de ces hommes qui était donné à voir par la quantité de vestiges et la qualité des vestiges qui étaient fournis. Mais auparavant, il avait travaillé sur un aspect diachronique, sur le long terme. C'est-à-dire qu'il essayait de comprendre l'évolution des objets. Et ça, cet aspect-là, on peut dire qu'il n'a intéressé que les penseurs, les historiens, les philosophes, les épistémologues, et il a pratiquement été abandonné des chercheurs en préhistoire. Toutefois, et comme le dit Alain Gallet, force est de constater la pauvreté de la descendance sur le plan de la réflexion théorique et anthropologique. Les préhistoriens d'aujourd'hui seraient-ils encore à singer le grand maître ? La phrase d'Alain Gallet est dure. Oui, la phrase d'Alain Gallet est dure. Et alors, il a l'avantage d'être suisse, donc il a un regard extérieur à la communauté française qu'il connaît parfaitement bien. Et je pense que, bon, je serais peut-être un petit peu moins dur. On va le dire autrement, ça traduit une évolution de la recherche française où on s'est beaucoup plus intéressé au côté naturaliste des choses. On a essayé de dater, on a essayé de comprendre les positionnements stratigraphiques, on a essayé de travailler selon des aspects, on a fait de la tracéologie, bon, on a fait de l'expérimentation. Et donc, on a abordé les objets par des facettes différentes, mais on n'a pas eu cette pensée globale où on mettait en jeu l'ensemble des facettes. Alors, on dit, on fait, c'est des recherches multiples, mais c'est pas des recherches intégrées, voilà le problème. Je pense que ce qu'il veut dire, c'est que si on avait une approche plus intégrée, peut-être qu'on arriverait mieux à comprendre l'objet de notre étude. Et en tout cas, de fait, les catalogues que produisent les préhistoriens ne débouchent que sur une sorte de savoir cumulatif, une masse de données dont on ne sait quasi que faire, et surtout pas sur, ne produit pas une sorte de savoir explicatif. C'est du savoir ponctuel. C'est du savoir ponctuel et on peut s'interroger sur la finalité des choses parce que, je peux dire le ciel est bleu. Bon, si je vous dis cette phrase-là, vous me dites oui. Mais en fin de compte, ce n'est pas ça qui est important. Et souvent, il y a une confusion, on n'arrive pas à dire autre chose que ce que l'on voit. Parce qu'il manque cette réflexion, il manque cette pensée qui n'est pas évidente et on n'est pas habitué, on n'est pas formé à penser de cette façon-là. Alors que les anglo-saxons, beaucoup plus. Là, on pourrait opposer l'école française et l'école anglo-saxonne. Qui modélise beaucoup plus. En tout cas, la préhistoire n'est pas une science aisée, car nous n'avons plus cette mémoire vive si importante. Pour Néandertal, par exemple, nous avons réellement affaire à une sorte de mémoire morte. Oui, et c'est ça le problème. Là, en prononçant le mot de mémoire, je crois que c'est la clé de voûte de toute la réflexion. Tout à l'heure, on parlait d'une hache, on parlait d'une pointe de flèche. Je veux dire, les auditeurs, si on leur présente ces mots, immédiatement, ils vont imaginer l'objet en fonction. Qu'est-ce que, une hache, ça va couper du bois, une pointe de flèche, ça peut tuer un gibier. Donc, voyez, on scénarise tout de suite la chose. Si je vous dis Pointe-le-Valois, si je vous dis biface, alors là, ça devient beaucoup plus dur. On ne voit pas. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous n'avons plus la mémoire de cet objet. Et on doit s'interroger sur mais comment faire pour réacquérir cette mémoire-là? Et la question sous-jacente, et on le verra peut-être après, c'est peut-on la réacquérir et qu'est-ce qu'on va réacquérir? C'est-à-dire que si je vois par exemple une voiture, je pense immédiatement à sa marque, son âge, je mets cet objet dans une sorte de lignée, c'est bien ça? Il faudrait faire la même chose avec les objets préhistoriques. Alors là, on peut prendre une très belle image de Bergson qu'il a écrit dans Matière et mémoire, où il représente la mémoire comme étant un cône dont la pointe serait au contact de la réalité. Quand on regarde, par exemple, sur cette table, il y a des stylos, et donc on voit le stylo. Mais est-ce que le stylo définir suffit ? Est-ce que le fait de dire stylo suffit à le définir ? La réponse est non. Disons, pour que les auditeurs comprennent mieux, prenons nous. Voilà. Si je vous prends vous et je vous dis, est-ce que le fait de vous voir, je peux vous décrire tel que vous êtes, est-ce que cela suffit à vous décrire ? Vous allez me dire non. Bon, et évidemment, parce qu'en fin de compte, ce que vous êtes, c'est ce que vous avez été, ce que vous êtes et ce que vous serez. Et là, on se rend compte qu'un objet ne se définit pas par ce qu'il se donne à voir, parce que là, c'est un regard extérieur, mais il se définit par ce qu'est son devenir. Et toute la difficulté, elle est là. D'où la notion de lignée. Quand vous parlez de voiture, c'est évident que quand on voit une 4L, on va dire, tiens, ça c'est une voiture des années 70. Quand on va voir une 2 chevaux, c'est plutôt une voiture des années 60. Et donc, vous fixez dans le temps la voiture. Et c'est-à-dire que vous avez, en fin de compte, une échelle d'évolution de l'objet et vous êtes capable de fixer cet objet-là dans le temps et de faire la différence entre une 2 chevaux, entre une 4L, entre une Renault 5, entre une DS. Et ce n'est pas des problèmes de forme, c'est que vous êtes capable de parler de la performance. Donc, vous êtes capable de parler des caractéristiques techniques. Donc, en fin de compte, l'objet ne se définit pas parce qu'il se donne à voir. Imaginez un martien qui voit une déesse. Pour lui, ça ne représente rien. Par contre, nous, quand on voit une déesse, immédiatement, on le situe dans le temps. Et on arrive à la définir. Et c'est ça qu'on doit faire en préhistoire. Donc la difficulté est qu'on passe de l'objet à la lignée dans laquelle se situe l'objet. Leroy Gourin avait mis en place une notion un peu complexe, la notion de tendance. En deux mots, Éric Boïda, de quoi s'agit-il ? Notion de tendance, c'est justement cet aspect où sur le temps long, Leroy Gourin travaillait certainement plus, lui, au niveau ethnologique, donc d'un continent à l'autre. Il se rendait compte que les objets évoluaient sur un plan morphologique, en tout cas, et structurel, mais ça, c'est un autre aspect. Et donc, il disait que cette évolution, elle transcendait les espaces et elle transcendait les cultures. Alors, évidemment, ça pose un problème, parce qu'on a dit tout de suite, mais les objets n'évoluent pas par eux-mêmes, ils n'ont pas de conscience. Voilà. Donc, mais ce n'était pas du tout ça que disait Leroy Gourin. Il observait qu'il y avait des inventions qui allaient apparaître d'un continent à l'autre. Il observait que ces inventions allaient suivre une évolution technique d'un continent à l'autre, alors qu'il n'y avait ni téléphone, ni Internet. Et donc, c'est une question anthropologique. Et on ne peut pas se permettre de dire que ça n'existe pas. Pour les auditeurs du Salon Noir de France Culture, je rappelle, Éric Boïda, que vous êtes professeur à l'Université de Paris 10, membre de l'Institut universitaire de France, grand penseur de notre préhistoire française. Vous vous êtes beaucoup intéressé aux outils tranchants, coupants. Justement, toute l'approche d'André Leroy Gourin et des préhistoriens est basée sur la forme de l'objet. Pour vous, il s'agit absolument d'une erreur ? Disons que la forme, c'est ce que l'on perçoit. Mais ça ne définit pas l'objet. On va reprendre l'image de la voiture. Je vous mets deux voitures identiques, dont l'une, j'enlève le moteur. Évidemment, vous allez me dire que c'est le même objet. Je veux dire, ça va être difficile avec la voiture qui n'a pas de moteur. Donc, ce n'est pas le même objet. Donc là, alors vous me direz, même si vous ne mettez pas de moteur, je sais qu'il devrait y en avoir un. Mais ça, parce que vous avez la connaissance de l'objet. Donc, imaginez-vous, encore, vous êtes face à un biface. Alors déjà, vous donnez un nom, je dirais, qui est absolument bizarre, parce qu'on pourrait n'importe quoi, on pourrait l'appeler choucroute, je veux dire, pourquoi biface d'ailleurs. Et deuxièmement, le problème de la forme, c'est qu'on va... On va se rattacher à seule chose que l'on perçoit, de l'extérieur, de ce que l'on perçoit, de ce que l'on imagine être cet objet. Et alors là, on va faire des confusions majeures, ce que j'appelle créer des TGV d'un continent à l'autre. Vous avez un biface qui est créé en Afrique du Sud, un autre qui est créé en Europe du Nord et un troisième qui est créé en Chine. Et alors là, on va imaginer des migrations d'individus qui vont porter les bifaces. C'est comme la bonne nouvelle. Et donc, on a une image à cause de la forme, de mouvements de population qui sont, à mon sens, totalement arbitraires. On parle d'objets que l'on ne connaît pas. Posons-nous la question, qu'est-ce que c'est ? En tout cas, prenons un exemple de préhistoire. Sur le site internet du Salon Noir, j'ai mis un objet issu du Liban qui doit, où l'on peut voir plusieurs choses, visiblement. Ah oui. Un objet de 130 000 ans. Oui, c'est ce qu'on appelle un objet qui du Yabroudien. C'est une période qui est datée au Liban, qui est datée aux alentours de 130 000. Et qui, quand on le voit comme ça, alors on va dire, d'ailleurs c'est très intéressant, on va dire, ah tiens, c'est exactement les mêmes objets qu'ils ont fabriqués en Europe et qu'on nomme Kina. Quina, dans le Périgord. Bon, bref, des objets qu'on connaît dans cette région-là. Et alors, souvent, on se dit, mais oh, ils viennent de là, où l'un est allé chez l'autre, et vice-versa. Or, pas du tout. Là, on a un phénomène de réinvention. Ça, c'est la première chose. Et d'ailleurs, c'est antérieur, puisque le quina en Europe est bien plus récent. Et la deuxième chose, c'est que quand on le voit uniquement à travers sa forme, on va dire que c'est un outil. Or, quand vous faites une analyse technique, eh ben, il y a deux outils dessus. Mais évidemment, il faut le voir. Là, je veux dire, mais c'est comme un garagiste. Hein. C'est notre métier de savoir reconnaître où est le problème et de savoir lire effectivement un artefact. C'est comme d'ailleurs une maladie. On fait un diagnostic et j'utilise effectivement des arguments pour faire mon diagnostic. Et dans le cas présent, je peux dire qu'il y a deux outils. En tout cas, aujourd'hui, vous abandonnez cette approche de Leroy Gourhan pour puiser dans la pensée d'un philosophe et psychologue, Gilbert Simondon, son approche technologique. De quoi s'agit-il exactement ? Oui, je pense que ça, c'est un penseur qui, dans les années 60, 70, et qui est hélas disparu, mais qui a eu une très forte influence et qui commence maintenant de nouveau à être utilisé. En tout cas, très peu connu chez nous, archéologues. Ah oui, ça c'est sûr. Mais de moins en moins, quand même. Il faut être optimiste. Simondon, il a travaillé essentiellement sur les objets industriels. Et il a, entre autres, dit ce que j'avais dit au préalable, c'est-à-dire qu'un objet ne se définit pas par ce qu'il est, mais par ce qu'il est en devenir, c'est-à-dire à travers la lignée dans laquelle il apparaît. Et puis, un autre élément extrêmement important, un des éléments importants de ce qu'il a dit, c'est que les objets vont évoluer par restructuration interne. C'est-à-dire qu'alors il utilise un terme que les préhistoriens n'aiment pas beaucoup, qui est abstrait, mais il faut le prendre dans le sens latin du terme et non pas dans le sens actuel, et concret. C'est-à-dire que c'est pas très compliqué. Imaginez-vous un objet, prenez une bouteille, elle se caractérise par un certain nombre de caractères techniques, et heureusement, autrement, imaginez que le plastique soit fragile, donc l'eau va couler, donc vous imaginez qu'un objet a des caractéristiques techniques nécessaires. Et ces caractéristiques techniques, elles sont liées par un certain nombre de règles physiques, et ces règles vont devenir de plus en plus complexes. Imaginez que je veux une bouteille de plastique dur, et puis je la veux rouge, et puis je la veux pliable. Voilà, je vais rajouter une quantité de critères techniques à cet objet, et en fin de compte, la structure du plastique, en fin de compte, est-ce qu'il est capable de répondre à cette transformation ? Et dans certains cas, oui, on va pouvoir transformer ce matériau et obtenir ce que l'on veut. Donc, on a une restructuration, je dirais, des éléments qui composent cet objet-là et on aboutit à des objets nouveaux à chaque fois. Et c'est ce que Simondon appelle le phénomène de concrétisation. Pour vous, y a-t-il une unique histoire des techniques de 3 millions d'années à nos jours ? Eh bien, voilà. Alors, cet élément de concrétisation, c'est un des verrous de la pensée. Quand on reprend les anciens, ils parlaient par exemple d'Acheuléen, qui est une période où on fabriquait des bifaces, et ils parlaient d'Acheuléen primitif et d'Acheuléen évolué. Alors, prenons le mot primitif ou archaïque. Qu'est-ce que ça signifiait pour eux, archaïque ? C'est-à-dire que techniquement, bon, c'était une technique qui était percuteur dur, c'était pas très précis dans leur tête. Et puis, biface évolué, alors là, c'était des pièces qu'on pouvait mettre carrément sur la commode, sous un éclairage. Donc, c'était des pièces qui étaient esthétiques, jolies. Et donc, ce mot archaïque évolué traduit non pas une pièce inefficace au départ, parce que les hommes ne sont pas stupides. Hein. Quand on fabrique un objet pour couper, ben, il coupe. Mais simplement, c'était ce caractère archaïque. C'est la De Dion-Bouton et l'évolution de la Ferrari. Voilà, c'est à peu près ces deux extrêmes-là. Et on s'est rendu compte que cette évolution dans une lignée d'objets, eh ben, elle avait lieu pratiquement depuis 2 millions d'années. Jusqu'à, pour le biface, il va apparaître à 1,7 million, il va disparaître à 300 000 ans. Et puis d'autres objets vont naître, et puis on va avoir une nouvelle lignée qui va apparaître. Donc il s'agit donc d'une évolution contenant nombre, une multitude de changements dont il faut comprendre la signification et les filiations par la même occasion. Oui. Pour bien comprendre, imaginons des lignées d'objets, lignées de la voiture, lignées de la télévision, voilà. On imagine très bien que les premiers objets sont construits de telle et telle façon et qu'en fin de lignée, les objets évoluent et sont de plus en plus complexes. Maintenant, nos télévisions, quand il y a un problème, on les jette. Alors, on ne peut plus rentrer dedans. Donc, ça montre effectivement que cette évolution-là. Et donc, on observe que toutes les lignées, globalement, vont suivre cette évolution de la concrétisation. Et quand on se transpose sur le temps long de la préhistoire, il y a plein de lignées d'objets et on rencontre cette même évolution, c'est-à-dire ce phénomène de concrétisation, de complexification. J'aime pas utiliser ce terme-là, mais il est peut-être plus simple. Et donc, cette évolution, cette transformation des lignées, elle transcende le temps. Je parlais de multitudes d'enchaînements. Justement, les archéologues n'ont-ils pas focalisé leur discours autour d'épisodes considérés comme clés dans l'histoire de l'homme, comme la fameuse sortie d'Afrique, ce que l'on appelle l'out of Africa? Mais bien sûr, bien sûr. Et justement, en plus, ils ont souvent mis ces sorties en corrélation avec un bel objet, quelque chose qui leur parlait. On n'a jamais pensé, effectivement, d'Out of Africa avec les bifaces de type archaïque, entre guillemets. On l'a plutôt pensé avec des bifaces beaucoup plus évoluées. Donc, il y avait cette espèce d'amalgame entre une évolution biologique et une évolution culturelle. Mais ce n'est qu'un point. C'est comme si on considérait que les déesses étaient le summum de la voiture, point barre, il n'y a rien avant, il n'y a rien après. Non, non, c'est absolument faux, je veux dire. C'est une vision... Il y a plein de confusions à ce niveau-là. La première confusion, c'est de ramener toute une évolution à un seul objet, puisqu'on ne comprend pas ce qui se passe avant et très peu ce qui se passe après. Donc, on va considérer que ça, c'est l'objet phare, et puis pouf, on réduit tout là-dedans. Et après... On veut raconter des histoires. Alors, comme on ne connaît pas grand-chose à l'objet, on va rajouter donc le côté anthropologique. Et là, on va créer une histoire mixte avec l'homme d'un côté, l'objet de l'autre. Alors, il sort d'Afrique. On a Out of Africa 1, Out of Africa 2, Out of Africa 3. Ça ne veut pas dire que les premiers hommes ne soient pas sortis d'Afrique. Ce n'est pas ça. Il y a une distinction à faire entre la donnée scientifique et l'histoire que nous, on veut en raconter. Ce que vous tentez avec votre équipe, c'est de justement multiplier géographiquement les points d'observation, l'Europe, l'Afrique, le Proche-Orient, l'Asie du Sud-Est, l'Amérique aujourd'hui ? Bien sûr, parce qu'on se rend compte que vous soyez un homme de la préhistoire d'Asie ou d'Afrique ou d'Europe, en fin de compte, vous allez suivre, quand vous inventez un objet et une structure précise d'un objet, bah vous allez le faire évoluer. Que vous soyez chinois ou sénégalais ou norvégien, et c'est une spécificité humaine, je veux dire, c'est ça qui est incroyable, c'est que l'homme va systématiquement faire évoluer ces objets-là. Nous parlions au début d'émission de mémoire. Votre approche permet-elle de reconquérir cette mémoire oubliée ? C'est un peu l'objet, parce que quand j'en reviens à l'image du cône de Bergson, nous n'avons, pour les périodes anciennes, que le point de contact sur ce qui nous donne à voir. Or, chaque objet est porteur d'une information. Comment il a été fait et, je dirais, à quoi il servait et comment il servait. Alors, évidemment, c'est difficile. On va prendre une autre image. Ce cône, on pourrait le comparer à une espèce d'énorme comté avec beaucoup de trous. Et il nous faudrait les combler, ces trous, pour pouvoir raconter et mieux comprendre ces objets. Mais il est bien certain, comme on l'avait dit aussi tout à l'heure, je veux dire, on est orphelin au niveau de la quantité d'informations et on est très pauvre au niveau de ces informations. Donc la question est de dire, est-ce qu'on veut recréer une histoire des temps anciens jusqu'à l'actuel, sans rupture, en racontant à chaque fois les mêmes questions ? Eh bien, je pense que non, puisque la quantité d'informations que l'on a est spécifique d'une période à l'autre, et donc on doit se limiter au niveau des histoires, et je dirais même que dans certains cas, on a peut-être d'autres questions à poser qu'on n'aurait pas pensé à poser dans les périodes les plus récentes. Éric Boéda, merci beaucoup. Je rappelle que votre livre « Technologique et technologie » est paru chez archeoedition.com, une jeune maison d'édition, la première en ligne dédiée à l'archéologie, chez qui sortira prochainement deux ouvrages, « France-Chine, 50 ans d'archéologie partagée » et « Peuplement de l'Amérique du Sud, l'apport de la technologie lithique ». Au sommaire de notre magazine partenaire Archéologia du mois de mars, l'empereur Auguste, dont nous parlerons prochainement, mais aussi la redécouverte du port de Rome, Ostie, comme Aïranoum, la grande cité d'Afghanistan. Enfin, un peuple totalement méconnu des montagnes de Croatie, donc à découvrir dans le magazine Archéologia. Mardi prochain à 15h30, le Salon Noir aura pour invité Marcel Hoth, le plus célèbre archéologue belge. Le Salon Noir a été réalisé par Vanessa Nadjar, à la technique Pierrick Monsigny, attaché d'émission Catherine Denez-vous. Bien entendu, écoutez ou podcastez cette émission sur la page du Salon Noir de franceculture.fr. Vous retrouvez 200 archives de l'émission sur le site inrap.fr.